temps fait-il? Il fait beau, il fait mauvais, il fait gris, il pleut, il fait du vent, il fait du soleil. Now you try it. Quel temps fait-il? Il fait beau aujourd'hui. It's nice, it's sunny today. Il fait chaud. It's hot. Bouh! Il fait froid. It's cold. Oh, il fait gris aujourd'hui. It's kind of grayish and yucky. Il fait bon.